Un livre par Louis Desprez. Il était peut-être heureux, cet homme. Ne lui aurais-je pas sottement ravi sa félicité? Quel remords pour un sensitif de ma force, ou plutôt de ma faiblesse, que cette ruine d'un bonheur! Mais lequel d'entre nous sut jamais ou saura prévoir les suites tortueuses et sans terme d'un acte qu'on imaginait droit et simple? Possesseur d'une belle fortune, solidement placé, on dit encore de ces bêtises-là, par routine. Très joli garçon, et bien mieux, de caractère aimable, l'homme dont je parle ne devait manquer d'innombrables relations, ni surtout d'amis intimes, dans le Paris que vous savez. Cependant, les premières années qui suivirent son retour définitif à la vie du monde, une fois ses études achevées, avaient été pour lui d'une périlleuse langueur. Et quoi? C'était là ce qu'on appelait la liberté, ce morne ennui. C'était là ce qu'on appelait le plaisir, ces grossières conversations d'hommes, ces cartes sempiternelles, ces haleines de tabac, moins fétides encore que les propos exhalés des mêmes bouches contre les amis absents. C'était là ce qu'on appelait l'amour, ces filles enfarinées qui disent « mon petit » à des crânes blancs ou chauves, mais écrivent des lettres respectueusement romantiques aux jeunes pitres des plus bas spectacles. Une seule chose, décidément pas davantage, rend la vie supportable. C'est de s'y donner une tâche régulière et constante, d'y poursuivre un but disputé, aléatoire et perpétuel. Notre ami ne pouvait pas songer à prendre un état de marchand ou de financier, qui lui causait des soucis, fait courir des risques, en l'aiguillonnant d'impatience au-dessus de sa frêle composition. Et puis, aucun exemple de famille ou d'entourage ne le préparait à ses différents commerces. Prendre rang parmi les avocats ou les médecins qui se dénomment des personnages politiques, cela comporte aujourd'hui des mascarades et un cabotinage dont la seule pensée le rendait malade de dégoût. Un jour que le verre du désœuvrement lui avait causé je ne sais quel affreux vide au cœur, le personnage qui nous occupe se transporta chez un ancien camarade, rarement rencontré depuis plusieurs mois, et qu'il se reprochait à l'occasion de délaisser. En vérité, l'on a tort de s'offrir jamais à soi-même aucun reproche, et surtout de ce genre. C'est presque toujours à l'heure où l'on éprouve un repentir tendre à leur sujet que ces pauvres abandonnés nous montrent le mieux comme ils vivent à l'aise sans nous. Ce charmant tableau ne manque point d'être offert à l'homme plein de scrupules, personnage essentiel de notre récit. Une fois en présence du sudit ancien camarade, que la nature ou l'esprit d'imitation avait fait collectionneur de bibelots variés, le mélancolique visiteur fut stupéfait de l'air actif, affairé même, de son visité. Ce gentleman, d'ailleurs sans profession, lui déclara, d'un ton peu engageant pour les flâneurs, n'avoir pas une minute à lui. Tout juste à peine le temps de dîner. C'était prendre les choses trop à cœur, sans doute. Mais ne valait-il pas mieux le petit ridicule de cet innocent excès que d'avoir à traverser tous les jours, dans le silence entier de l'être, l'universel désert du monde. Et ces steppes de l'après-midi, et ces mornes lustres du soir. Quand un homme en est là, qu'on le voit encore capable de ses regrets et de ses peurs, la destinée a bientôt fait de lui fournir le clou de fer, sinon d'or, où se peut accrocher quelques braves résolutions. Un jour, il était machinalement arrangé un lot de volumes dans une chambre du vieil hôtel de famille. Un de ses amis, fin connaisseur en livres, tomba tout juste alors et le surprit dans cette occupation. « Tiens, » fit le monsieur, « voilà une édition de La Bruyère que je ne connaissais pas, et que Sainte-Beuve, j'en suis sûr, aurait eu du plaisir à voir. » Ce fut là tout l'éclair. « Il y en a donc tellement des éditions de La Bruyère, » observa notre ami, « que les traits de cette force purent en ignorer une. Dans ce que nous croyons le mieux connaître fourmille l'inconnu. » Il y a beaucoup d'éditions notoires de cet écrivain, quelques-unes de célèbres, mais aussi des douteuses et des clandestines. L'état de l'exemplaire est en outre un point capital. Et si, dans cet ordre d'idées, nous parlions de La Rochefoucauld donc et de Pascal? Oh, il va bien le coin des moralistes. On ferait une bibliothèque avec les œuvres des gens à portrait, à pensée et à maxime, pour ne rien dire des choix, des extraits, des anthologies. Sans goûter particulièrement ce genre de lecture, ni peut-être un genre quelconque, notre martyr de loisirs forcés eut un tressaillement intérieur. Il venait de trouver sa voie, ou plutôt une voie l'avait trouvée. Dans ce temps-là même, sa famille préparait pour lui un beau mariage. La demoiselle, qui avait heureusement le mérite d'être à la fois intelligente et belle, était par avance, de sa personne, indifférente à cet étrange fiancé. En principe, c'était son mot, il ne se souciait pas de se marier. Il agréa cette compagnie, ainsi qu'il le fait de tout autre du même monde et de la même fortune. Mais déjà tout son esprit appartenait à une seule idée. La femme, qui n'avait guère jamais tenu de place dans ses rêves, le préoccupait moins encore à cette heure que par le passé. S'il eut la délicieuse surprise de découvrir, dans celle qu'on lui présenta, une âme comme faite exprès pour lui, ce fut à cause d'un air d'absolue tranquillité qu'elle avait et qui dénonçait une nature exempte d'étonnement stupide devant les singularités d'autrui. N'était-ce pas une manière d'idéal, cela ? Mais où il parut au nouvel époux que cet idéal dépassait de beaucoup tout ce qu'on imagine, c'est en apprenant certains détails sur les apports de sa femme. Il comprenait ces apports, grâce à des héritages récents, la bibliothèque d'élite d'un oncle qui avait rassemblé de curieuses éditions des deux derniers siècles. Il comprenait encore, en une paisible rue de Versailles, une antique maison tapie dans le silence des âges, à l'ombre d'arbres plusieurs fois séculaires. C'est là qu'il ferait bon installer ses collections. Oh, comme il avait pris feu depuis l'entretien fatidique. Ses collections. Elle n'embrasserait pas seulement tous les moralistes, anciens et modernes de l'Orient et de l'Europe, traduits dans notre langue, et d'abord, bien entendu, tous ceux originaires de France. Mais encore, tous les articles, écrits, commentaires de toutes sortes, dont ils auraient pu être l'objet ou l'occasion dans l'idiome français. Ainsi le voulait le programme étonnant du néophyte. Non, il ne perdit pas de temps. Après les noces et le voyage de rigueur, durant lequel il commença la chasse aux éditions, dans des villes et des coins recommandés, on assista à un prodige plus intéressant que celui de cette passion soudaine. Allumé d'une flamme si vive qu'il la fit gagner à sa jeune épouse, notre homme vit cet ange, de la meilleure grâce qu'on rêve, s'unir à ses recherches, partager ses convoitises, ses joies, son inquiétude, à l'idée que peut-être tel exemplaire n'était plus de ce monde. La grande fortune du nouveau couple lui permettait de satisfaire largement à cette passion coûteuse. Pour le reste, il menait un train de maison honorable, mais très simple, toutes les heures du jour étant absorbées par la correspondance, les classements, le catalogue. Est-ce point naïf d'ajouter qu'il n'était jamais question de donner 5 minutes à la lecture dans cette maison de livres ? Il n'y avait pas un commissionnaire en bouquin de Paris, Lyon, Rouen, Bruxelles, Leipzig, Londres et Amsterdam qui ne fût un quotidien échange de lettres avec ce ménage d'originaux. La jeune femme n'avait rien perdu de sa naturelle élégance ni de sa distinction gracieuse. Mais elle avait pris à ce contact un air étrange, une particulière fébrilité. Ses pommettes se teintaient de rose à la découverte d'un méchant almanach, épave échappée au mépris du temps et des hommes. Alors elle battait des mains et poussait de petits cris avec un air si vrai qu'elle en devenait touchante. On était abonné à tous les journaux traitant de curiosités livresques, ventes ou comptes rendus. On annexait à chaque volume le dossier de tous les articles s'y rapportant, son portefeuille iconographique, un extrait de toute allusion ou citation mise en l'auteur et jusqu'aux simples lignes d'imprimé où son nom pouvait apparaître. Cet homme, à quoi bon mentionner encore sa femme, désormais fondue en lui, pouvait être qualifié d'heureux, si le bonheur, c'est d'avoir battu l'ennui. Songez donc, les repas eux-mêmes sacrifiés. Comment cela ? Eh bien, et les lettres, les rendez-vous, les collationnements, et les visites qui lui tombaient sans cesse de tout le personnel de la librairie, de toutes les parties de l'Europe. De fait, il était toujours en mouvement et ne se plaignait point. Oh, celui-là n'était pas un pessimiste, comme on parle aujourd'hui, en altérant la vraie signification du mot, et en traitant de moderne, une chose née avec l'humanité elle-même, et qu'on retrouve à chaque étape de sa marche. Non, certes, pessimiste, il n'était point. Où aurait-il pris le temps ? De quoi pouvait-il gémir ? Le chagrin, le plaisir étaient des mots vides de sens pour cette pensée tendue vers un unique idéal. Il n'y a pas de but risible, il n'y a que de fausses joies et des ambitions que rien ne désaltère. Les scrupules d'un travail spécial me forçaient un jour de consulter je ne sais quel recueil de moralistes qui devait m'offrir la solution de mon doute. Les bibliothèques publiques et les libraires visités n'avaient pas ce volume, dont le titre cependant flottait devant mes yeux à des étalages de soldes ou dans les boîtes des quais d'autrefois. Ainsi qu'il arrive au livre dédaigné, celui-ci, tombé au rebut, liquidé à grandissime rabais, c'est-à-dire hors de prix, comme il avait commencé, mais dans un meilleur sens. Le hasard a de souveraines façons de tout équilibrer. Certains confidents de mes recherches me disent alors « À présent, un seul être au monde représente, je vous l'assure, une suprême chance pour vous de dénicher ce Merle Blanc. C'est le marquis de X à Versailles. Nos relations me permettent de vous garantir son bon accueil. Vous lui ferez passer un heureux moment si, grâce à vous, il découvre qu'un exemplaire unique est en sa possession. » Le marquis de X, c'est justement l'homme qui vient de vous être présenté. Probablement la lettre d'introduction fut rédigée avec beaucoup de chaleur, car je reçus dès le lendemain un billet très aimable de ce marquis, m'avisant qu'il se tiendrait à ma disposition tel jour et heure, désigné de façon à me permettre de choisir à mon aise et apporter témoignage du méthodique emploi de la vie du collectionneur. Son correspondant, m'écrivait-il, ne faisait aucune allusion à l'ouvrage désiré. Mais on avait lieu d'espérer que mon voyage à Versailles sera le terme heureux de tant de vaines recherches. Ce bout de lettre respirait la pleine confiance, mais bien plus encore, quand je l'abordais, la physionomie de celui qui l'avait écrite. Je vis un homme, à l'air franchement cordial, moulé dans sa redingote de fin drap noir. Dès 9 heures du matin, ficelé comme un officiel à parade. Son accueil fut aimable à cause de sa bienveillance innée et de la recommandation de mon ami, mais nullement empreinte de la joie reconnaissante dont celui-ci m'avait parlé. Comme homme, il était sans doute personne à obliger ses semblables quand il avait le temps, mais comme collectionneur, il ne tenait pas le moins du monde à ce qu'on lui démontrât l'utilité pratique de ce qu'il laissait avec un dé d'imparfait qualifié de tocade. « Il s'agit ? » fit-il avec un sourire de médecin qui par avance verrait se dissiper sous son regard et sa parole les terreurs de quelque malade trop nerveux. Sur l'énoncé de mon désir, traversé, je suppose, par certaines mines de doute découragées, le sourire médecin eut l'air de me répondre « Soyez tranquille, nous allons vous guérir. » En réalité, l'homme me répondit « Nous devons trouver cela. » Mais nous ne le trouvâmes point. Nous eûmes beau nous y prendre, par l'ordre des noms d'auteurs, des titres d'ouvrages, autrement encore, rien, toujours rien. Et cela parmi d'innombrables files de livres, alignés avec un soin dévotieux, et dont l'encombrante affluence semblait rallier l'ardeur inutile de notre chasse. Il vint une minute où ce grand nombre d'autres livres ne furent plus seulement une superfluité, mais un embarras autant qu'une ironie. En les bousculant, pour voir dans les deuxièmes rangées, cette peste des bibliothèques trop riches, mon hôte laissait dans son impatient dédain s'écrouler les premières jusque sur le sol, lui qui, jusqu'alors, y touchait à peine avec des soins de garde-malade prudentissime. Un pli sombre creusa son front. Cette seule minute fit perdre, je le crains, leur meilleur client à quantité de marchands de livres. « C'est extraordinaire, » finit-il par me dire. « J'ai réussi à mettre la main sur les plus précieuses raretés, et rien d'aussi commun au monde que l'objet de notre vaine perquisition. » C'était un de ces volumes qui, sans débit, même dans la boîte à 4 sous, s'en vont mourir sous le pilon ou sur les balances de l'épicier. Une rancune sourde murmurait dans ce dépit, dans ce chagrin, tandis qu'un peu de honte embarrassait mes phrases de sympathie. Avec ma triste manie de moraliser, manie de circonstance au reste à cette heure ou jamais, je hasardais cette remarque. « Voilà comment les humbles seront exaltés, et comment on devient une merveille sans prix, pour avoir subi trop de défaveurs. » Le voyant de plus en plus agacé, malgré ce sage aphorisme, je lui offris en guise d'adieu mes services. Croyez que je vais me mettre à suivre les occasions et si je tombe sur quelque chose comme une bonne piste, comptez sur moi. C'est ainsi qu'il se mêle toujours du ridicule au supplice des positions fausses. Le silence, répondit Hermonov, par le silence tout seul, mais accompagné d'un mauvais sourire, selon la locution à la mode. Hâtons-nous de l'employer pendant qu'elle fait bien encore. Le sourire mauvais voulait dire clairement « Cherchez, mon camarade, vous l'avez déjà fait, et ça vous a si bien réussi. » Ça ne m'avait point réussi pour moi, mais pour un autre, qui sait. L'événement dédaigneux des ironies autant que les enthousiasmes devait cette fois donner tort au mauvais sourire. Pendant 5 à 6 mois, c'est vrai, j'allais déranger sans ombre de raison tous les marchands de livres rares ou épuisés que le hasard des courses parisiennes jeta sur mon chemin. J'observais même qu'ils ne sont guère polis dans la rareté lorsqu'il ne s'agit pas d'un client d'habitude. Voilà qu'un jour, dans la bonne ville de Lille, où je venais de passer un mois, étant en avance sur l'heure d'un train, je m'arrêtai, tout près de la gare, devant un étalage en plein air de volumes au rabais. J'eus une façon de petit éblouissement à la vue d'une rangée de livres ouverts à la page blanche du titre, pour mieux séduire l'acheteur, et offrant à mes regards, que je croyais le jouet d'une hallucination, l'objet, longtemps introuvable, d'un double souhait. Le marchand, d'abord enchanté de s'en défaire pour 30 sols, devinant mon émotion, se repentit de l'affaire et ne le cacha point. Dans ces sortes d'achats comme au jeu, il faut être impassible. À quelques jours de là, sans m'être annoncé, afin de mieux jouir de la scène à faire, je me rendais à Versailles, certain d'avance d'un succès, m'étant fait une tête. Arrivé dans la rue, en face de la maison que je trouvais l'une et l'autre, plus noblement sérieuse et plus digne que jamais du possesseur d'aussi rares trésors, ce n'est pas sans émotion que j'entendis résonner l'antique sonnette. Un serviteur, paraissant avoir quitté pour venir m'ouvrir quelque travail d'émondage dans la cour où verdoyait l'herbe, me répondit, comme très scandalisé de mon ignorance, « Quand la vente a été finie, monsieur le marquis est parti avec madame la marquise pour un long voyage, et nous attendons qu'il fasse savoir où le réécrire. » « Quelle vente ?»« Les livres, donc. Vous le savez bien, si vous lisez le journal. » Il en avait assez, paraît-il. Et toute la maison aussi. Ainsi s'achève un livre par Louis Desprez.